blabla. Pas besoin de tout ça, ce que me c'est plus de justice in the area. Pour tous les frères, toutes les sisters, Sticky Lion vient t'expliquer ça. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes soeurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, les peuples se réveiller pour sortir de la misère. Comment peux-tu dormir quand tu mets les gens dehors? Quand l'hiver il fait froid, tu te croirais au pôle Nord. Tu te dis homme de loi, mais de la loi du plus fort. Car pour les ghetto youths, tu réserves toujours le même sort. C'est l'immunité pour ceux qui roulent sur l'or. Et ce système-là, je ne serai jamais d'accord. Je vais lutter pour suivre mes efforts. Jour après jour, ce sera la guerre encore et encore. Why stop tes paroles en l'air? On a besoin d'action pour mes sœurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, le peuple va se réveiller pour sortir de la misère. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes sœurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, le peuple va se réveiller pour sortir de la misère. Trop de gens se donnent le droit au nom de la loi de tuer. Ne vole pas, ne tue pas, l'as-tu déjà oublié? Le commandement divin que le créateur nous a livré. Lui seul peut décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Car du jugement dernier tu ne pourras jamais échapper. Dans la plus grande des grandes tu crois que tu es caché. Mais de là déjà tu es toujours protégé. Il ne fait que me renforcer, oh non non. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes sœurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, le peuple va se réveiller pour sortir de la misère. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes sœurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, le peuple va se réveiller pour sortir de la misère. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. On se battra jusqu'à ce que coule enfin le miel et le lait. Car trop de gens sur la planète sont encore opprimés. Tu le sais depuis pas mal d'années. L'argent appelle l'argent et la misère le fait fuir. S'il ne fait pas le bonheur, en tout cas il l'attire. Certains font n'importe quoi pour en avoir et s'en sortir. Le système part en couille et chaque jour ça s'empire. Je vais lutter pour suivre mes efforts. Jour après jour ce sera la guerre encore et encore. C'est l'immunité pour ceux qui roulent sur l'or. De ce système là je ne serai jamais d'accord. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes soeurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, le peuple va se réveiller pour sortir de la misère. Oh non. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes soeurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, le peuple va se réveiller pour sortir de la misère. Oh non. Trop de gens se donnent le droit au nom de la loi de tuer. Ne vole pas, ne tue pas, l'as-tu déjà oublié? Les commandements divins que le créateur nous a livrés. Lui seul peut décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Car du jugement dernier tu ne pourras jamais échapper. Dans la plus grande des grottes tu crois que tu es caché. Mais de l'œil déjà tu es toujours protégé. Il ne fait que me renforcer, ah non. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes soeurs et pour mes frères. N'en prends pas ça à la légère, le peuple se réveiller pour sortir de la misère. Oh non, stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes soeurs, pour mes frères. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes soeurs, pour mes frères. Stop tes paroles en l'air, on a besoin d'action pour mes soeurs, pour mes frères. Tous les jours, c'est ma vie, ta vie, c'est ma bagage dans la Babylone.